Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le projet de loi organique portant modification du code électoral a été adopté ce mardi par l'Assemblée nationale du Burundi. Parmi les innovations importantes, la hausse de la caution pour les présidentielles qui passe de 30 millions à 100 millions de francs burundais. 15 ans après l'assassinat de celui qui était le vice-président de l'ELUCOM, cette organisation réclame toujours justice pour Ernest Manirumba. Dans une conférence de presse animée ce mardi, le porte-parole de l'ELUCOM a annoncé leur intention de saisir les juridictions internationales si ce dossier aujourd'hui introuvable au greffe de la Cour suprême n'est pas rouvert. Et le président du Sénat plaide pour la revalorisation des salaires des journalistes. Cette préoccupation a été exprimée ce mardi alors que la ministre en charge de la communication était l'invitée du Sénat pour des questions orales. Voilà pour le sommaire. L'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques, l'ELUCOM, compte saisir les juridictions internationales si la Cour suprême ne se prononce pas sur le dossier de l'assassinat d'Ernest Manirumba, ancien vice-président de cet observatoire. Ceci est dit par le porte-parole de l'ELUCOM ce mardi au cours d'une conférence de presse qui a coïncidé avec la commémoration du 15e anniversaire de l'assassinat d'Ernest. Jean Douimana déplore le fait que ce dossier ait mystérieusement disparu, puisqu'aujourd'hui introuvable dans les tiroirs du greffe de la Cour suprême. Suivez plutôt le porte-parole de l'ELUCOM, Jean Douimana. Depuis l'assassinat d'Ernest Manirumba, l'ELUCOM, en collaboration avec les autres confrères de la société civile, nous avons mené évidemment des enquêtes. Nous avons demandé à ce que l'État burundais fasse des examens comme ADN. Mais vous le savez, depuis de lors, il y a ceux qui ont refusé de se faire examiner par cet ADN. C'est pour cette raison que nous demandons à la Cour suprême de faire tout son possible pour d'abord trouver le dossier d'abord. En première position, c'est de trouver d'abord le dossier du PCA 402 afin de le juger, mais aussi afin que la lumière soit faite. Sinon, on ne pourra aboutir à rien sans que le dossier soit dans les services de la Cour suprême. C'est à la Cour suprême, via la Chambre de cassation, de nous donner la réponse. Nous avons demandé ces noms depuis l'assassinat de 2009 jusqu'en 2024. Nous attendons la proclamation de ces noms de ceux qui ont tué sauvagement Ernest Manirumba. Ce que nous comptons faire, quand la justice burundaise a échoué, la loi prévoit d'autres recours. L'ELUCOM, comme tout autre citoyen, l'ELUCOM, comme toute autre organisation, va porter plainte dans d'autres instances, soit au niveau régional, soit au niveau même international. Il y a des cours internationales de justice, il y a la cour africaine, il y a la cour de l'EAC. Tout cela, ce sont des institutions qui sont là pour clarifier de tels crimes, qui sont là pour faire justice aux citoyens des différents pays qui sont dans le malheur de justice. Mais l'ELUCOM ne croit pas qu'on va arriver à cela. Nous avons confiance que la Cour suprême va trouver d'abord son dossier en premier lieu. En second lieu, que la Cour va procéder au jugement de ces crimes. Jean Douimana, porte-parole de l'ELUCOM. La séparation des unions libres se réfère à l'article 24 du Code portant prévention, protection et répression des violences basées sur le genre, interdisant aux Burundais de se marier à plus d'une personne. Précision donnée par Espérance Ninahaza et les juristes, et sa réaction intervient après l'annonce des gouverneurs des différentes provinces, exhortant les couples en union libre de se séparer. Elle trouve que les conséquences retombent sur la mère qui part avec les enfants. Espérance Ninahaza appelle l'administration à faire un suivi régulier pour que personne ne soit victime de cette séparation. Je pourrais commencer par dire ce que la loi a prévu par rapport au mariage. Le Code des personnes et de la famille définit dans son article 87 le mariage en ces termes. Le mariage est l'union volontaire de l'homme et de la femme conforme à la loi civile. Et pour les autorités qui sont contre l'union libre, ils se basent sur l'article 24 de la loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basée sur le genre. Je n'ai pas de cas concret pour pouvoir juger la manière dont ça se fait, mais en basant sur la loi, je pourrais donner quelques conseils pour bien procéder dans cette tâche. Premièrement, quand les gens sont ensemble, un homme et une femme qui vivent ensemble sous le même toit, c'est sûr qu'ils travaillent ensemble pour pouvoir vivre et faire vivre la famille, et même pour développer la famille. Les conséquences s'observent surtout à l'endroit des femmes et des enfants, parce que les femmes, souvent, elles vivent dans de telles situations d'union libre par ignorance. Elles ne connaissent pas la loi pour la plupart, ou bien elles sont abusées par les hommes qui les trompent, qui ne leur disent pas la vérité, qu'ils sont mariés et qui se présentent à elles comme des maris qui sont libres et qu'ils sont même prêts à faire des mariages légaux alors qu'ils savent pertinemment que ce n'est pas vrai. Alors, s'il advenait que ces gens soient séparés, il faut analyser et voir comment la gestion des biens acquis ensemble va se faire. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui s'approprie les biens au détriment d'un autre. Il faut qu'il y ait équité, qu'il y ait entente par rapport aux biens acquis ensemble. Et l'administration est là pour pouvoir accompagner ces personnes avant même la séparation. Maître Espérance Ninahaza. Je venais de vous le dire dans les titres, l'Assemblée nationale du Burundi a adopté ce mardi le projet de loi organique portant modification du code électoral. Parmi les innovations importantes figure la hausse de la caution allant de 30 millions à 100 millions de francs burundais pour les présidentielles. La durée de la campagne électorale reste maintenue à 3 semaines. Francine Diokougaï, reportage. La majorité des députés ayant pris la parole s'est beaucoup exprimée sur la revue à la hausse de la caution, surtout pour les candidatures présidentielles qui passent à 100 millions alors qu'auparavant elles n'étaient qu'à 30 millions de francs burundais. Les uns disent qu'il s'agit d'un montant exorbitant qui risque de limiter les candidatures, tandis que d'autres pensent que cette somme exigée est minime pour ce poste, surtout quand le candidat a le soutien des membres. Même son de cloche du côté du ministre de l'Intérieur. Martin Niteretse explique que la caution vient pour réduire les candidatures fantaisistes comme constaté par le passé. Les avis des députés divergent également sur la durée de la campagne électorale de 3 semaines, réduite à 2 semaines. La période de la campagne a été gardée finalement à 3 semaines. L'autre innovation concerne l'heure de clôture du scrutin qui a été ramenée à 15 heures au lieu de 16 heures afin que le dépouillement se termine avant la tombée de la nuit avec possibilité de changer le lieu de dépouillement pour diverses raisons. Ce dernier point a suscité l'inquiétude chez certains députés une fois que les urnes sont déplacées vers un autre endroit. Le ministre de l'Intérieur a aussi rassuré que si les moyens le permettent, la carte nationale d'identité biométrique pourra être utilisée dans les échéances électorales prochaines. Ce projet de loi organique portant modification de la loi de 2019 portant code électoral a été adopté ce mardi par l'Assemblée nationale à plus de 98%, moyennant quelques amendements. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Les eaux du lac Tanganyika qui envahissent aujourd'hui ces riverains ont eu à monter jusqu'au quartier Bouyinzil ou Vumera Ishanik, révélation de l'expert en environnement Albert Monerané, qui précise que cela est arrivé depuis les années 1878. Selon lui, la différence est que ces jours-ci, la montée de ces eaux continue alors que le phénomène n'avait duré que pendant 6 mois seulement les années passées. Cet environnementaliste trouve qu'il est difficile de préciser le niveau d'augmentation de ces eaux, toujours en progression. Pour lui, l'État devrait évacuer la population victime car dit-il, les pertes s'alourdissent. Suivez Albert Bonnerane. Dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et disons pas la protection de l'environnement, c'est la prévention. Et comment faire? Il faudrait que le gouvernement investisse peut-être en toquant sur les portes des différents bailleurs, parce que quand il y a des risques de catastrophes naturelles, il y a souvent des aides humanitaires, etc. Mais la première aide humanitaire que je demanderais, c'était d'identifier une localité sécurisée où il n'y a pas d'inondation, etc., où on pourrait construire un bon village pour les gens de Togatumba. Je n'ai pas oublié les gens qui sont vers le Mongue aussi, parce que c'est la même chose, etc. Donc pour les mettre dans un lieu où on peut dire, voilà, ils se pouvaient construire et c'est durable. Et puis, ils vont cultiver où? Le gouvernement a la latitude de dire, vous allez loger là-bas, mais pour l'agriculture, vous allez continuer à exploiter vos terrains, etc. Parce que mettez sur la balance, perdre une maison construite avec des moyens, peut-être avec des crédits, ou perdre un champ de maïs, un champ de légumes, c'est pas la même chose. Donc ça, c'est ma première proposition. La deuxième proposition, c'est que, ça c'est à l'endroit de nos dirigeants, il faut se lever, parce que la nature, il y a une chanson, il faudra l'écouter, la nature est en colère. Maintenant, il faudrait que nous puissions voir comment cohabiter avec l'écosystème naturel du lac Tanganyika. C'est-à-dire, au niveau du code de l'eau, il est bien stipulé qu'il faut une zone tampon à respecter où il est interdit de cultiver, de construire, etc. Donc il faudrait que ces textes soient vraiment bien appliqués. Et puis après, on pourra dire, comme il n'y a pas de système d'alerte précoce, pour dire aux Burundais, attention, dans 2 ans, dans 3 ans, il y aura la montée des eaux. Mais il faut dire peut-être que partons de ce que nous venons de vivre aujourd'hui. On ne dira pas, on nous a raconté que maintenant nous voyons que si vous allez à Kibenga, si vous allez à Gatumba, si vous allez même vers le Mongue, vous allez trouver que ce n'est plus des mensonges, il y a la montée des eaux. Que faut-il faire? C'est la prise de conscience pour dire, avec cette situation, les précautions à prendre, c'est le respect des droits de l'homme. Et pour le professeur environnementaliste Bernard Sindayi Hebura, il est important que les 4 pays riverains du lac Tanganyika réunis au sein de l'autorité du lac se conviennent d'envoyer des experts au niveau de la rivière Rukuga, exutoire du lac Tanganyika, pour un probable curage. Il propose en outre la construction d'une digue dès que son niveau du lac baisse. Je pense que le curage serait la solution, mais ça, je ne peux pas aussi quand même donner très rapidement une solution. Il serait donc préférable, en tout cas, tout d'abord, de partir sur les données qui existent. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les images satellitaires. J'ai pu les consulter, les images qui datent depuis 2016 jusqu'à 2023. J'ai constaté que le lit majeur et le luminaire donc, ont augmenté sensiblement. Et d'ailleurs, en 2024, il y a environ 800 ménages qui ont déjà quitté. Donc à Kalemi, là où l'exutoire Rukuga prend donc les eaux pour les déverser dans le fleuve Congo. En 2021, le Burundi avait envoyé les experts et d'ailleurs de retour, ils nous ont montré les résultats. Finalement, ils ont compris qu'ils n'avaient rien vu. Mais par rapport aux images satellitaires que j'ai pu analyser, je pense franchement qu'il y a eu un changement. Ça doit être sûr. Et d'ailleurs, en consultant l'image de 2022, on avait beaucoup de vagues et d'ailleurs, le lit majeur aurait été multiplié par 2, même 3. Donc c'est pour cela que les gens qui avaient construit anarchiquement de part et d'autre cette rivière, ils ont quitté. Je pense qu'il serait très important d'aller visiter le site et voir ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, en regardant les éléments qui se trouvaient de part et d'autre des dérives, on voit qu'il y a des sédiments partis. Cela pourrait être lié à l'effondrement peut-être, ça je ne sais pas. Et on avait dit aussi également qu'à une certaine période, il y avait ce qu'on appelle un barrage de régulation, comme le barrage qui se trouve sur la rivière Mhanda de chez nous, qu'on a mis en place pour éviter que l'aéroport de Bujumbura soit inondé. Donc, si ce barrage est parti, ça peut être à l'origine aussi également, ça je ne sais pas. Et puis aussi également, s'il y a un phénomène qui s'est passé, il est important que l'autorité du lac Tanganyika puisse en tout cas contacter les présidents des 4 pays pour envoyer les spécialistes et voir ce qu'il faut faire. Sport à présent, les joueurs burundais de football des amputés sont prêts à représenter le Burundi dans les compétitions de la Coupe d'Afrique qui se dérouleront en Égypte du 19 au 29 avril. Le sélectionneur de l'équipe nationale indique que le Burundi se trouve dans la poule A regroupant l'Égypte, le Cameroun et le Nigeria. Riaz Iman, agent de Dieu, demande aux amateurs de football en général et ceux du football des amputés en particulier de les soutenir. Il est au micro de Jean-Marie Vianney Ndakoumane. Jusqu'à maintenant, les joueurs sont en bonne santé. Nous sommes prêts à représenter le pays dans la compétition de Coupe d'Afrique pour le football des amputés. Pouvez-vous nous parler quand cette compétition africaine de football des amputés va commencer? Cette compétition va commencer le 19e jour de ce mois même. Et le Burundi se trouve dans quelle poule? Le Burundi se trouve dans le poule A et qui contient le Burundi même, Cameroun, Nigeria et Égypte. Et nous avons le premier match le 20 avec le Cameroun, le 21 avec Égypte et le 22 avec Nigeria. En tant qu'entraîneur de l'équipe nationale, avez-vous des informations sur les équipes que vous êtes dans le même pool? Oui, nous avons beaucoup d'informations. Les informations que nous avons est que ces équipes ont commencé ce genre de jeu de football pour des amputés il y a au moins 10 ans. Mais nous avons commencé le football pour amputés ici au Burundi dès la fin du mois de novembre 2022. C'est-à-dire qu'il y a une année, quelques mois. Et quels sont les critères pour participer dans ce genre de compétition? Les critères pour participer dans ce genre de compétition, le premier critère est d'avoir une équipe d'abord et les joueurs. Si vous avez une équipe, c'est-à-dire que vous avez sauté au niveau du pays. Deuxièmement, avoir les frais d'inscription, ainsi de suite. Et quel appel pourriez-vous lancer aux amateurs de football, surtout ceux qui aiment le football des amputés? Ceux qui aiment le football des amputés, je vous invite d'être ensemble avec nous dès le 17 jusqu'à le 28, le jour de venir ici au Burundi. Football toujours, mais cette fois-ci sur le continent européen. Les matchs de la phase aller comptant pour les quarts de finale de la Ligue des champions européens commencent ce mardi à 21h. La formation britannique d'Arsenal va affronter le Bayern de Munich. Et le match le plus attendu par les amateurs du ballon rond va opposer le tenant du titre Man City d'Angleterre, qui va croiser le fer avec Real Madrid d'Espagne. Demain, le FC Barcelone d'Espagne va visiter le Paris Saint-Germain de France au moment où Borussia Dortmund d'Allemagne accueillera Atlético Madrid d'Espagne. Et pour boucler ce journal, la ministre en charge de la communication compte s'entretenir avec les responsables des médias privés pour discuter des questions des salaires de leurs journalistes. La ministre Léo Kadinda Chaïssava répondit à une des préoccupations exprimées par le président du Sénat en personne lors des questions orales des sénateurs ce mardi. Correspondance Gérard Nibigira. Le président du Sénat, Emmanuel Sinzo Hagera, indique que la presse est très indispensable dans chaque pays du monde, d'où alors il souhaite que les journalistes burundais en général et les journalistes burundais des médias privés en particulier méritent un respect. Ce respect des journalistes et des médias privés doit être accompagné par l'octroi des cartes de presse pour les journalistes des médias privés qui n'ont pas encore obtenu leur carte de presse, a ajouté le président du Sénat burundais. Il a également souligné que ce respect serait accompagné par le versement des cotisations des journalistes et des médias privés dans des institutions de sécurité sociale et de santé, mais aussi par l'octroi des salaires suffisants aux journalistes et des médias privés. À propos, la ministre de la Communication, des Technologies, de l'Information et des Médias, Mme Léo Kadinda Chaïssava, a dit que les journalistes et des médias publics ont déjà obtenu presque tous leurs cartes de presse, mais que certains des journalistes et des médias privés ne les ont pas encore. Et là, après préciser néanmoins qu'elle compte s'entretenir avec les responsables des médias privés pour les inviter à remplir tout ce qu'il faut pour obtenir la carte de presse et discuter sur la manière d'améliorer les conditions de vie de leurs journalistes. C'est au moment où ce mardi, la ministre Léo Kadinda Chaïssava répondait aux questions des sénateurs. Depuis Gitega, Jeanne Bigira pour la radio Isangani. Et c'est sur cette correspondance que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Thank you.